Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue sur Radio Gamozo, station 107 FM, pour cette 10e chronique de Mille et une histoires de tatouage. Commençons, comme à l'habitude, par un rapide résumé de la chronique précédente. Dans celle-ci, nous avions terminé l'histoire des tatouages au Japon. Avions continué avec la réalisation de ces types de tatouages et de l'artisan tatoueur. Puis nous avons enchaîné avec le style du tatouage abstrait pour finir avec le motif du corbeau et ses significations. Pour cette nouvelle chronique, nous parlerons de la définition des motifs et contours du tatouage japonais, de quelques termes japonais, du symbolisme de ces tatouages à quelques exemples pour finir l'histoire du tatouage japonais. Nous parlerons ensuite d'un style de tatouage et finirons avec un motif et ses significations. Démarrons sans plus tarder. Nous avions parlé, comme dit plus tôt, de l'artisan tatoueur. Celui-ci est maintenant prêt à tatouer. Il accueille donc son premier client. Pendant cette première consultation, celui-ci dira au tatoueur le motif qu'il souhaite se faire. Rappelons que ce sont souvent des hommes qui se font tatouer des irezumi. Cependant, les femmes aussi peuvent porter ce genre de tatouage, mais ce sera bien souvent les femmes ou les petites amies du tatoueur. Une fois le motif choisi, l'artisan commencera par le tatouage des contours, qui se fera habituellement en une séance, et souvent à main levée, c'est-à-dire sans pochoir, ce qui peut demander plusieurs heures de travail avant d'être finalisé. Ça y est, le contour vient d'être terminé. Il faut donc passer à l'ombrage et à la coloration, qui, comme dit précédemment, ne se fera pas dans cette première séance. C'est donc hebdomadairement, et dès que le client aura de l'argent à y consacrer, qu'ils seront faits. Bien sûr, en fonction de la taille du tatouage, cela peut aller de 3 heures à plus d'une dizaine d'heures. Et une fois celui-ci terminé, l'artiste signera son œuvre. Comme le tatouage est signe de criminalité au Japon, il n'est pas bien vu. C'est pour cela que les tatoués, particulièrement les seniors, gardent fréquemment leurs marques secrètes sur leur lieu de travail. Et ce qui est assez ironique, c'est que même les yakuza et les criminels évitent de se faire tatouer pour cette raison. Il existe plusieurs termes dans les tatouages japonais. Cependant, ceux-ci peuvent être utilisés dans le tatouage occidental. Je m'excuse d'avance pour la prononciation qui, je pense, laissera à désirer. Jetons donc un œil sur ce glossaire, commençant par l'irezumi. Ce mot que l'on a déjà vu dans la chronique précédente peut être aussi prononcé bunshin. Il signifie tatouage ou tatoué. Le prochain mot a été aussi vu dans la chronique précédente, mais c'est toujours agréable de faire un rappel. Orimono, qui signifie littéralement gravé ou coupé, est un autre mot qui est utilisé aussi pour parler des tatouages traditionnels. Les tatouages japonais sont faits par un artiste tatoueur que l'on appelle Orishi. Souvenez-vous, nous avions parlé de la punition par tatouage, ceci est appelé bukukei ou bokei. Il existe différentes techniques de tatouage faites à la main. Un mot les décrit tous, tebori, qui veut dire littéralement coupe à la main, ce qui peut faire un peu bouger, je le conçois. Dans ces techniques de tatouage, il existe une technique à la main qui emploie un mouvement de plume. Cette technique a pour nom anebori, qui signifie littéralement couper avec une plume, ce qui fait, il faut bien se l'avouer, moins bouger. Il y a une autre technique que l'on appelle tsukibori. Celle-ci consiste à faire un tatouage à la main avec un mouvement rapide. Comme vous le savez, l'on peut se faire tatouer où l'on veut, sur des parties visibles comme cachées. Dans ces dernières se trouvent par exemple les aisselles ou les cuisses. Cette technique, qui se fait appeler kakushibori, littéralement coupure cachée, est une technique qui fait aussi référence au tatouage de mots cachés comme parmi les pétales de fleurs par exemple. La poitrine est aussi une partie cachée du corps. Un tatouage englobant celle-ci porte le nom d'ikae. Pour parler de parties plus visibles, il peut y avoir les mains, le cou ou le visage. D'ailleurs, le kebori est une technique qui consiste à tatouer de fines lignes ou de poils sur le visage des tatoués. Il y a aussi les tatouages qui vont du bras jusqu'au poignet, ce que l'on appelle des manchettes. En japonais, cela se dit nagazode. Mais il peut y avoir un tatouage qui recouvre 7 dixièmes du bras, donc jusqu'à l'avant-bras, il s'appelle shishibu. Ou encore, un tatouage qui ne recouvre qu'un cinquième du bras jusqu'à l'épaule, celui-ci se nomme gobu. L'on a vu que l'artiste tatoueur commençait par tatouer le contour du tatouage avant de s'attaquer aux ombrages et aux couleurs. Celui-ci, est appelé sushibiri. Connaissez-vous le son que font les aiguilles lorsqu'elles piquent la peau? Ce son a un nom, on l'appelle le chaki. Irebokuro de ire ou ireru qui signifie insérer et de bokuro ou okuro qui signifie grain de beauté. L'on peut donc traduire ce mot par l'insertion de grain de beauté. En effet, au début de l'ère Edo, le tatouage n'est pas encore imagé, il peut être signe d'amour ou de souvenir. Il existe un terme japono-anglais venant de l'argot qui désigne la technique du tatouage fait à la machine. Cela s'appelle le yobori. Dans la chronique numéro 9, nous avons vu que avant de devenir artiste tatoueur, celui-ci était apprenti. Et l'apprenti faisait plusieurs choses, comme laver le shop, faire des aiguilles ou faire des encres. Cette encre a un nom, elle s'appelle sumi. Comme vous avez pu l'entendre, plusieurs mots sont utilisés pour définir différents types de tatouages et différentes zones. Mais quels seraient ces tatouages sans signification et ses symbolismes? Il faut tout d'abord savoir que des images sont présentes de manière récurrente dans les tatouages traditionnels japonais. Ils présentent souvent des qualités ou des défauts, soit possédés, soit souhaités. Un parallèle avec l'iconographie occidentale est donc possible. L'aigle, symbole de bravoure ou de noblesse, est un tatouage populaire, tout comme le cœur, symbole de fidélité et d'honnêteté. Au Japon, les Irezumi se contentent de représentations de faune ou de flore, de motifs religieux, de héros et de figures folkloriques. Voici quelques exemples pour la flore, les dessins animaliers, les bêtes mythologiques, les religions et la littérature. La pivoine, symbole de richesse et de bonne fortune. La fleur de cerisier qui symbolise le caractère éphémère de la vie. Le lion chinois, symbole de protection. La carpe, en général, il y en a deux. L'une en train de nager en amont et l'autre en aval. Elle représente le courage. Le dragon, qui lui, a beaucoup de significations, mais je n'en citerai que quelques-unes. L'immortalité, de par sa longévité exceptionnelle, la persévérance ou encore la réussite. Le Baku, qui est une créature fantastique japonaise originaire du folklore chinois. Dévoreuse de rêves et des cauchemars. Les geishas, les samouraïs et bien d'autres. Comme vous avez pu l'entendre, le tatouage japonais a son propre vocabulaire et ses propres techniques. Donc si ce genre de tatouage vous intéresse, libre à vous de vous renseigner encore plus sur ces derniers. Passons maintenant à la deuxième partie de cette chronique. Un style de tatouage, le style du jour et le style lettrage et ou calligraphique. Les styles en tatouage offrent toujours leur lot de particularités et de singularités. Le style lettrage en fait partie. Style calligraphique ou style lettrage, les deux se présentent aujourd'hui sous diverses formes et ne cessent de gagner des adeptes. Ces deux styles ne font en fait qu'un dans l'appellation commune du tatouage calligraphique. Ces styles font partie des styles les plus récents qu'ils soient. Commençons par la présentation du tatouage calligraphique. Comme vous le savez sûrement, la calligraphie est l'art de l'écriture. Celle-ci consiste à travailler le style et l'esthétique des écrits. C'est un art qui s'est développé il y a de cela des milliers d'années avant Jésus-Christ, plus précisément entre moins 4000 et moins 2650, dans les premières civilisations comme les Égyptiens, les Grecs ou encore les Chinois. Ils ont commencé de s'adonner à cet art pour une double raison. La première étant la nécessité de laisser des traces de diverses histoires ou d'avancées scientifiques. La deuxième, qui concerne plus les Japonais et les Arabes, était celle des utilités mystiques de la calligraphie. Mais même si selon certaines croyances orientales, la calligraphie est associée au sens occulte, dans les autres régions du monde, cependant, elle représente une évolution de l'activité des moines copistes. Depuis que la calligraphie a été intégrée au tatouage, il y a quelques années, elle ne cesse de diversifier. Il est aisément facile d'assimiler le tatouage calligraphique au tatouage calligraphie. Cependant, pour une question de clarté, l'on dira qu'ils sont différents. Le tatouage calligraphique, qui fait partie du tatouage calligraphie, est la représentation ancrée d'une phrase, d'un mot, d'un nombre ou même d'un signe de ponctuation. La peau du tatoué devient alors un support calligraphique. Le tatouage lettrage, quant à lui, est la reproduction ancrée d'une ou plusieurs lettres, mais qui ne forme ni mot ni phrase. C'est donc entre autres une composante du tatouage calligraphique et par extension une composante du tatouage calligraphie. Le tatouage calligraphie s'est développé en Chine et au Japon car leur signe d'écriture allait bien au-delà de lettres, ce qui leur permettait donc d'être tatoué, et de représenter bien plus qu'une simple phrase ou une seule lettre. Et lorsque la culture du tatouage chinois fut importée en Europe et en Amérique, elle arriva donc avec le tatouage calligraphie. Cependant, c'est le tatouage calligraphique qui commença à se développer en premier. C'était essentiellement des proverbes ou des citations bibliques. En 1955, suite à la sortie du film La Nuit du Chasseur, dans lequel Robert Mitchum portait le tatouage Love Hate sur ses phalanges, un tournant est arrivé. Suite à ça, une vague de tatouages identiques envahit les États-Unis, et c'est ainsi que, progressivement, le tatouage lettrage s'immiscera. Il existe différents types de tatouages calligraphie et divers styles d'écriture. Il y a les calligraphies latines, arabes, orientales, chinoises, japonaises et cyrilliques. Et si l'on rentre plus en détail dans l'écriture latine qui correspond à celle européenne, l'on peut trouver l'écriture gothique, romaine, humanistique, celtique, gestuelle, etc. Tout cela vous donne d'innombrables possibilités pour vous faire tatouer une date, un prénom ou encore une citation. Voici pour la partie numéro 2 de la chronique. Passons à un motif et ses significations, le motif du pommier et de son fruit. Familier à beaucoup d'arbres, le pommier est considéré comme l'un des symboles les plus puissants dans de nombreuses religions. Cet arbre a longtemps représenté un symbole de maternité, de fertilité et de bénédiction maternelle. Le tatouage de l'arbre à pomme est souvent associé à des mères et à des femmes, au lien entre une mère et ses enfants. Cependant, ce n'est pas la seule signification de ce tatouage. En effet, cet arbre est régulièrement associé à l'autre monde, et il est symbole de vie éternelle et d'amour. Le pommier, tout comme la pomme, a été très souvent associé à des histoires magiques de pommes empoisonnées comme dans les contes, par exemple, Blanche-Neige et les Sept Nains. Les pommes sont aussi utilisées dans les contes russes pour rajeunir. Le tatouage du pommier peut être représenté soit sous forme d'arbre, soit sous la forme et la couleur de la pomme. Les fleurs du pommier sont symboles de jeunesse, de pureté et d'innocence. Mais cet arbre est aussi parfait pour les personnes qui s'intéressent au mythicisme et à l'occulte, car il contribuerait à améliorer l'intuition et en même temps à apporter la stabilité de la vie. Il est possible de graver le prénom de l'élu de son cœur sur son tronc ou de l'entourer d'un ruban, toujours avec le nom de la personne que l'on aime. La pomme peut être tatouée de différentes façons. Par exemple, une pomme croquée peut être la signification de la chute, de la faiblesse ou de la tentation. Une interprétation qui a été formée en raison de la légende biblique dans laquelle Ève mangea la pomme de la connaissance et du péché, le fruit défendu. Une personne peut aussi se tatouer le logo d'Apple, en signe de son amour pour cette marque. Dans tous les cas, avec cet arbre et son fruit, vous pouvez être libre de la composition du tatouage, que vous pourrez faire sur l'épaule, l'avant-bras, la cuisse, l'omoplate, etc. Si vous recherchez un tatouage qui exprime l'amour maternel, que vous prêtez à vos enfants, le pommier sera l'idéal. Et si vous voulez représenter la jeunesse, la pureté ou l'innocence, alors la fleur de pommier sera parfaite pour vous. A vous de voir quelle signification vous souhaitez apporter à votre tatouage Apple. C'est ainsi que cette 10e chronique se termine. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de vos avis sur la page Facebook de Radio Gamozo, sur son site à l'adresse www.radiogamozo.eu ou même par téléphone au 03 29 62 40 40. Bien sûr, cela va de soi que nous serons ravis de vous répondre. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de Mille et une histoires de tatouage. Ciao!